sort de ce monde à la panse bien pleine, gonflés comme les outres par autant de pieds. Ne sont pas assez rares, non, jamais assez, dans leur gargantuesque multiple bas de laine. Et pendant ce temps-là, on crève en Ouganda, Bangladesh, au Mali et au Soudan. Squelette affamé vacillant dans le vent, fantôme délaissé car ne rapportant pas. Multiplier les euros, le dollar, en vendant, achetant, les yeux hypnotisés par les cours de la bourse sur l'écran affiché. Spéculation avide par tous ces charognards. Et pendant ce temps-là, des enfants de misère, pour détourner la faim, se nourrissent debout. N'en pouvant plus, ils tombent à genoux, mourant tout doucement dans les bras de leur mère. Affolés, voilà des gringolades, des valeurs, des actions, frappées de vraies pelades, mais du bel argent frais, offert par les États, redonne le sourire, on s'en suit ici-bas, car vous comprenez bien qu'un bébé africain dans ce monde amoral n'est pas prioritaire. Il est plus important de sauver les affaires, tout ce magot virtuel aux effluves vilains. En pleine décadence, ne vaudrait-il pas mieux qu'elle s'écroule enfin, construire sur les ruines de meilleurs lendemains, afin que pour tout être la vie soit une chance.